Nils était allongée sur le sable, la tête sur le ventre de sa sœur. Elle était légèrement essoufflée, et ses vêtements sentaient le sel. Nils ne pensait à rien d'autre qu'à la sensation de bien-être que lui procurait la proximité de son corps. Ici, dans cette crique reculée, où depuis leurs expéditions enfantines, le temps semblait s'être figé. Elle caressait du bout des doigts son front et l'arrêt de son nez dans un mouvement irrégulier et familier d'une douceur absolue. Clara était la seule personne au monde à ne pas être dérangée par le silence de Nils. Elle se souvenait vaguement de l'époque où il s'était arrêté de parler. Elle était alors une petite fille qui admirait l'entêtement de son grand frère et le courage qu'il déployait sous la pression des cris, des coups, des larmes, de la rancune et de la terreur de ses parents. Puis le temps avait passé et ce silence s'était installé. Gauthier vivait à côté de Nils comme à côté d'un mort, et Olga, seulement à demi résignée, se forçait tant bien que mal à ne plus essayer de le solliciter. Clara seule avait continué à l'aimer et à lui parler comme avant, de telle sorte qu'elle avait l'impression d'être la seule à jouir de son existence, comme s'il était un dieu à elle seule révélé. Tu te rappelles, Nils? Je t'ai dit que j'avais interrogé les cartes, et qu'elles s'étaient montrées récalcitrantes. On aurait dit qu'elle ne voulait pas parler, qu'elle savait quelque chose qu'elle refusait de dire. C'était au point où je me suis presque mise en colère. Je les ai à nouveau interrogées aujourd'hui, et j'ai aussi interrogé les pierres du jardin et les nuages. Tu te souviens comment on fait parler les nuages? Et ils m'ont tous dit la même chose, qu'il fallait faire attention à la couleur rouge et au nombre 17. Le nombre 17 ne signifie rien, et le rouge signifie tant de choses que je me suis endormie sans comprendre. Eh bien, tu sais quoi? J'ai fait un rêve qui m'a tout expliqué. C'était un de ces rêves. Oh mon Dieu, Nils, je ne peux pas te le dire, même si je sais que tu ne répéteras rien. Un de ces rêves où l'on éprouve des sentiments si forts qu'ils deviennent réels dès qu'on ouvre les yeux. Sais-tu ce dont j'ai rêvé, Nils? J'ai rêvé de mon mariage. C'était un très beau rêve. Et je portais une robe avec beaucoup de boutons. Tellement de boutons, en fait, que je me mettais à les compter. Et il y en avait 17. 17, tu comprends, Nils? Les cartes et les nuages voulaient sûrement me parler de ma robe de mariée. Et puis, quand j'avais fini de compter les boutons, ce qui me prenait un peu de temps car ils étaient si petits que je me trompais sans cesse, je me rendais compte qu'il y avait une tache sur la robe blanche, une tache de sang, une tache rouge. Qu'est-ce que cela veut dire, à ton avis? Nils, sais-tu avec qui je me mariais dans le rêve? Oh, cela va te paraître absurde. Promets-moi de ne pas te fâcher. C'était cet homme qui est venu déjeuner l'autre jour. Nils tourna la tête pour voir le visage éclairé de Clara. Elle fut frappée, comme à chaque fois, par la beauté du visage de son frère et par la profondeur si ambiguë de son expression. Il fit passer un bras autour d'elle et laissa lentement sa main remonter à travers la robe éclaboussée d'écume jusqu'à son sein. Il eut le temps de la sentir frémir avant qu'elle ne prenne sa main et ne la retire doucement sans un mot comme d'habitude. Il aimait regarder et écouter sa sœur, mais il ne déchiffrait pas toujours de signification. Le plus souvent, ce visage familier et ami suffisait à lui procurer une certaine paix. Que ce visage pleure, que les mots qui en émanaient soient tristes ou gais n'avaient pas beaucoup d'importance. Il était en dehors de tout cela, par-delà de la joie et la tristesse, loin, beaucoup trop loin pour faire quoi que ce soit. Il y avait cette barrière de silence qui s'épaississait chaque jour et qui se dressait, infranchissable, entre le monde et lui. Dans le monde, des choses se passaient dont il était parfois le témoin. Il lui arrivait de se concentrer assez pour s'y intéresser, rarement. En lui, les sensations informulées avaient fini par prendre la plus grande place. Son esprit était plein de goût, de bruit, de lumière. Parfois, des pensées articulées se formaient, parfois des émotions, mais le plus souvent, il se laissait aller à cette étrange fusion avec ses sensations. C'était ce qui lui avait permis de tenir pendant toutes ces années. C'était ce qui lui permettait de tenir jusqu'au jour de la mort de sa mère.